Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Église et sexualité, quand la chair devint péché. Il est des textes incroyables, oubliés et redécouverts. C'est le cas de Speculum al Folder, un texte catalan du 15e siècle, redécouvert dans les années 1970. Les mots sont crus. Malaxe-lui bien le con, frotte-le et masse-le jusqu'au moment où elle poussera des cris et des gémissements et où elle tremblera. Malaxe son sexe, frotte-le et masse-le jusqu'à la faire frémir, trembler et crier. Elle désirera alors d'être pénétrée. Je suis troublé. Son corps s'enflamme. Des mots. À la pratique, comment s'est construit le discours religieux, celui qui régit les relations sexuelles et impose l'hétérosexualité matrimoniale? Didier Led, bonjour. Bonjour Xavier. Au moment d'étudier la sexualité, vous l'avez entendu, j'étais troublé avec ces mots extrêmement crus. Non mais c'est intéressant de trouver des textes anciens qui évoquent clairement les pratiques. Est-ce courant ou est-ce que ces sources sont souvent camouflées? Alors courant, oui et non. C'est-à-dire que là, le texte que vous avez cité, c'est un texte catalan. Il y a toute une tradition, en fait, une influence, on va dire, orientale, en particulier de l'islam, hein, qui a gardé pendant très longtemps, qui a traduit des textes, les textes grecs, etc., qui a gardé une tradition d'écriture de textes plus ou moins médicaux et qui prône, en fait, une sexualité parfois assez relativement libre, enfin, qui peut nous apparaître assez libre. Donc, fréquent, oui et non, mais par contre, on a quand même, à la fin du Moyen-Âge, des traités, même en Occident, hein, qui donnent des indications sur voilà les positions, les manières de jouir, etc. Et donc il y a quand même une tradition qu'on retrouve à la fin du Moyen-Âge sur ces aspects-là. Voilà. Après, effectivement, il y a beaucoup de textes au contraire qui condamnent évidemment toutes des pratiques qui ne sont pas, comme vous l'avez dit, hétéronormées. Enfin voilà, et des pratiques conjugales et hétéronormées. Dès qu'il est question d'histoire, nous découpons l'histoire en parlant du Moyen-Âge. Il faut rappeler toujours que cette période est immense et puis que la rupture avec l'Antiquité ne signifie pas grand-chose. Didier Led, vous avez évoqué à l'instant une certaine liberté dans les pratiques sexuelles, alors que nos représentations nous poussent à dire qu'au Moyen-Âge, tout est extrêmement normé. Il y a une chronologie, il y a un moment où cette norme s'impose. Oui, alors on peut dire qu'il y a à la fois un problème historiographique, j'irais un problème historiographique, parce que je pense que pendant très longtemps, les historiens, qu'ils soient médiévistes ou modernistes, ont beaucoup travaillé sur des textes, on va dire, normatifs. Des textes qui, finalement, émanaient évidemment de l'ensemble des gens qui écrivent, c'est-à-dire des clercs, et ne nous apportaient finalement que des normes. Et les normes, elles sont conjugales, enfin voilà, tout ce qu'on voit, c'est le mariage. Aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, 25 ans, on va dire qu'on scrute un peu les angles morts de l'histoire des sexualités et on s'intéresse beaucoup au concubinage, à l'adultère, à la bigamie, etc. Et on se rend compte que tous les gens n'étaient pas mariés, tous les gens adultes n'étaient pas mariés. Il y avait 10, 15, 20% parfois des femmes, par exemple, dans certains villages anglais du 14-15e, qui faisaient le choix de rester célibataires. Alors pourquoi elles étaient célibataires? Peut-être par choix, finalement. Hein, donc voilà, il y a tout un. Aujourd'hui, on redécouvre un monde finalement à partir des sources de la pratique, à partir des sources judiciaires en particulier. On redécouvre un monde différent, et ce qui fait qu'effectivement, voilà, il y a un nouveau monde qu'on découvre. Et puis sur un plan historique, oui, enfin, les ruptures dans l'histoire, on les trouve assez fréquemment. Mais pour le Moyen Âge, on va dire que le 12e, 13e siècle est un tournant quand même relativement important, parce que on va dire il y a la réforme grégorienne, la réforme dite grégorienne, qui met en place le fameux mariage grégorien, qui n'est finalement où on est clair et on choisit la vie spirituelle, où on est laïque et on choisit la vie terrestre, matérielle. Et donc si on est laïque, ben on doit se marier. Voilà, ça c'est une obligation. Et donc il y a un mariage, ce qui devient un sacrement, le septième sacrement, qui est imposé à l'ensemble des laïcs de l'Occident. Et donc là on a un tournant quand même relativement important dans l'histoire, on va dire, l'histoire matrimoniale, qui entraîne aussi une histoire des sexualités, enfin qui est en lien avec l'histoire des sexualités. Ce nouveau regard porté sur la sexualité vous conduit à parler des sexualités. Sylvie Stenberg, bonjour. Bonjour. Vous avez dirigé cet ouvrage, Une histoire des sexualités, aux presses universitaires de France. C'est tout à fait en écho de ce que vient de dire Didier Led, hein, cette idée que pendant longtemps, un regard en s'appuyant sur des sources normatives nous conduit à penser au mariage et à l'hétérosexualité, etc. Il y a plus de pratiques que cela et plus de voies possibles. Oui, alors pour l'époque moderne et contemporaine, malgré tout, les sources de la pratique, ça fait quand même très très longtemps qu'on les étudie, sans doute parce qu'on a plus de ressources aussi qu'on en a pour le Moyen-Âge. Et ces sources de la pratique, elles peuvent être extrêmement humbles d'ailleurs, puisque une des grandes sources qui a été utilisée par les modernistes pour étudier surtout les 17e, 18e siècle, c'est tout simplement les registres paroissiaux qui permettent à la fois d'avoir des renseignements précisément sur l'âge au mariage, la sexualité avant le mariage grâce aux grossesses anticipées, disons, par rapport au mariage, le nombre d'enfants illégitimes, mais aussi les rythmes avec lesquels on conçoit les enfants, ce qui renvoie à des interdits ecclésiastiques, religieux. Voilà, donc ces sources de la pratique, elles existent depuis fort longtemps, on les étudie depuis quand même fort longtemps, mais c'est vrai que la perspective d'articuler à la fois les normes et les pratiques est une perspective qui est de plus en plus empruntée, disons, dans les études sur la sexualité. Au moment de réfléchir à la sexualité, il faut définir les mots. Nous avons déjà évoqué dans une émission du cours de l'histoire à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France, combien dans l'Antiquité, les notions contemporaines d'homosexualité, d'hétérosexualité, de bisexualité ne veulent pas dire grand-chose. Didier Lett, pour le Moyen-Âge, le mot sexuel lui-même n'a pas grand sens. Non, on se situe dans les sociétés, on pourrait reprendre effectivement ce qui a été dit hier sur les sociétés antiques, on se situe dans des sociétés qu'on appelle before sexuality, avant la sexualité, c'est-à-dire cette notion-là, c'est quelque chose de très moderne. On sait que les notions d'hétérosexualité, d'homosexualité sont des termes finalement très récents, enfin pour nous en tout cas historiens, qui datent de la fin du 19e siècle. Donc c'est vrai que c'est difficile, on repère des cas, mais c'est difficile de parler d'identité homosexuelle, d'identité hétérosexuelle ou d'orientation homosexuel et hétérosexuel. Ce qu'on sait effectivement, c'est qu'il y a une pression extrêmement forte, évidemment, depuis le... Bon, voilà, pour le... Une des grandes différences, peut-être, effectivement, tout à l'heure, on parlait du glissement, du passage de l'Antiquité au Moyen-Âge. Évidemment que le christianisme crée un monde, on va dire, différent, mais même si tout ça est très très lent. Hein, et ce monde-là, il est quand même, effectivement, sans doute encore plus hétéronormé que le monde antique, c'est-à-dire que voilà, il y a Adam et Ève à l'origine, avec une domination masculine extrêmement forte. Hein, Ève est née de Adam, elle est née après lui, elle est responsable de la chute, enfin, etc., etc. Donc il faut penser les rapports entre un couple, on va dire hétéronormé, entre un homme et une femme, comme foncièrement inégalitaires. Enfin, on ne parle pas de deux partenaires. Hein. Dans l'Antiquité, hier vous parliez de cette opposition entre libre et esclave, par exemple. Bon, évidemment, cette notion-là, on va dire, disparaît plus ou moins à l'époque médiévale, mais les oppositions, il y a d'autres oppositions extrêmement fortes, et notamment l'opposition homme-femme est relativement forte aussi, bien sûr. Didier Lett, vous avez évoqué Adam et Ève et le péché originel. Eh bien, moi, je vous propose, Adam et Ève, c'est la même chose, c'est Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. Croque la pomme, Adam, Adam, croque la pomme, ma belle dent. Attends, attends, Ève, prends bien garde au serpent. Croque la pomme, Adam, Adam, qu'elle serait bonne à belle dent. Croque la pomme, Adam, Adam, oh, fais-moi plaisir à belle dent. Les filles, c'est toujours comme ça, et bien fais ce que tu voudras. Mais demain nous serons chassés, partout nous serons exilés. On aura faim, on aura froid, et le tonnerre nous brisera sous les foudres dévastatrices et les cris de l'apocalypse. Sylvie Vartan et Johnny Hallyday, c'est le show se met en 1969 à la télévision française. Didier Lett, nous avons cette lecture, bien sûr, avec le péché originel. Il faut rappeler aussi, l'historien que vous êtes est sensible à cela, de l'écart qu'il y a entre le texte, entre une lecture théorique de la société et puis les pratiques. C'est énorme. Bien sûr. Oui, oui, c'est, je crois qu'on travaille à la fois sur des, donc des représentations. C'est-à-dire que, bon, voilà, connaître l'histoire des sexualités, c'est quand même très compliqué parce que ces gens-là, enfin, au Moyen-Âge, à l'époque moderne, mais encore, je veux dire, il y a toute une certaine pudeur. Et donc, il est difficile dans les textes de la pratique, véritablement, d'avoir des descriptions, des positions, de la jouissance, etc. Pour nous, c'est très difficile. En revanche, ce qu'on a, c'est des textes normatifs qui condamnent les pratiques homosexuelles, qui condamnent les pratiques sodomites, qui condamnent les pratiques buccales, etc. Puisque tout acte sexuel au Moyen-Âge n'a qu'une fin, c'est la procréation, selon l'Église, évidemment. Et donc on aura dans la norme la condamnation de toutes les autres pratiques. Voilà. Et dans la pratique, c'est très très compliqué toujours de savoir quelles étaient véritablement la vie sexuelle d'un couple ou la vie sexuelle de personnes. Donc c'est ça qui fait aussi tout l'intérêt justement du travail de l'historien, c'est d'essayer à travers peut-être parfois des tout petits indices et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans l'histoire des sexualités dirigée par Sylvie, c'est-à-dire de montrer aussi des pratiques et de mettre les sexualités au pluriel, bien entendu. Dans votre contribution à cette histoire des sexualités dirigée par Sylvie Stenberg, Didier Lette, vous évoquez notamment longuement la sodomie, parce que là aussi, il faut se départir de nos représentations de ce qu'est la sodomie, et vous tirez le fil tout doucement pour comprendre l'histoire même de ce mot. Oui. C'est bon. Là, il y a eu pas mal de travaux. Évidemment, moi, je fais reprendre ici. Hein, c'est une petite synthèse. Je fais reprendre des travaux qui ont été beaucoup de travaux dans les années 70, 80, à la suite des travaux de John Boswell, qui était un des pionniers, on va dire, en histoire de l'homosexualité. On a beaucoup travaillé sur la sodomie. Voilà. Et on a travaillé sur la sodomie. On a pris ce terme-là au sens plutôt d'homosexualité. Alors, c'est vrai qu'il veut dire aussi homosexualité. Hein, on peut le traduire comme ça. Vie sodomite, péché sodomite. Il est dénoncé surtout à partir du 14-15e siècle. Hein, il y a une sorte de on n'a plus parlé carrément dans certaines villes italiennes, Florence, Venise ou Luc, de chasse aux sodomites. Donc c'est des gens qui sont pourchassés. On devient la société, la fin du Moyen-Âge devient de plus en plus intolérante à l'égard de ces marges, que ce soit les juifs, que ce soit les hérétiques, que ce soit les sodomites. Mais ce terme de sodomie, il est très très polysémique en fait. Il a une acception beaucoup plus large que ça. Il veut dire aussi pénétration anale, il veut dire aussi hérésie. Il veut dire crime de lèse-majesté. Il veut dire aussi, et j'ai essayé de le montrer dans l'ouvrage sur la pédocriminalité, il veut dire aussi pédocriminalité. Hein, et à Bologne, en particulier dans les archives judiciaires de Bologne à la fin du Moyen-Âge, ce terme désigne majoritairement de la pédocriminalité contre les garçons. Viol d'enfants au Moyen-Âge, genre et pédocriminalité à Bologne, 14e, 15e siècle. Didier Lette, c'est votre ouvrage aux presses universitaires de France. C'est un sujet alors qui nous parle, parce que nous sommes extrêmement sensibles à cette notion de vol d'enfants, et c'est tout à fait légitime. Le Moyen-Âge, pour le dire simplement, était-il sensible au viol d'enfants ? Oui. Enfin, moi, j'ai toujours milité depuis 30 ans ou 35 ans en travaillant sur l'histoire de l'enfance, montrer que le Moyen-Âge avait une haute considération de l'enfance, contrairement à ce qu'avait pu penser Philippe Ariès, il y a très longtemps. Et donc, à la fois, on le voit à travers les sources, on va dire, littéraires, etc., mais on peut aussi le voir à travers les sources judiciaires. C'est-à-dire qu'effectivement, les cas qui nous parviennent sont très peu nombreux, sans doute, par rapport aux cas réellement, comme aujourd'hui, évidemment, hein, si on pense à l'inceste, au viol, à la pédocriminalité en général. Mais la plupart du temps, et encore plus évidemment viol contre les garçons, encore plus que pour les viols contre les filles, c'est souvent la peine capitale qui est appliquée par coutumasse souvent, parce que le pédocriminel, il reste pas, hein, il part, il a tout intérêt à, il sait très bien ce qu'il attend, mais c'est quand même la peine capitale qui est pas tant appliqué que ça à la fin du Moyen-Âge, mais qui l'est pour des crimes horribles. Et on peut dire que l'infanticide, la pédocriminalité font partie des crimes les plus horribles de la société. Et donc, il y a une certaine protection de l'enfance, on pourrait dire, à ce niveau-là, même si, évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Dans cette histoire des sexualités, Sylvie Stenberg, vous avez alors un regard, et si nous parlons de la chronologie, vous êtes spécialiste de la période, ce qu'on appelle moderne, renaissance, et ensuite il y a d'autres sources dont vous bénéficiez, qui existent déjà au Moyen-Âge, ce sont les sources médicales, et là aussi c'est essentiel, à côté du discours religieux, il y a le discours médical. Oui, bien sûr, ces sources sont évidemment très anciennes, et elles sont d'autant plus anciennes que à la Renaissance, il y a une redécouverte de, enfin une redécouverte plutôt d'un certain nombre de textes médicaux qui avaient été oubliés, mais surtout une traduction de ces textes et une activité surtout médicale qui est plus très importante. Et donc ces sources médicales, elles nous aident en effet à comprendre comment les médecins de la Renaissance se représentaient l'acte de procréation, l'échange entre les partenaires, la fabrication des fœtus, mais aussi la manière dont ils concevaient le plaisir entre les partenaires. Et bon, la doctrine médicale qui est dominante à partir de la fin du Moyen-Âge, c'est la doctrine de Galien qui conçoit le plaisir comme résultant d'un échange de semences entre les deux partenaires. Et bon, c'est évidemment un élément qui est important pour comprendre la manière dont on concevait à la fois l'acte procréateur, mais aussi la nécessité d'arriver au plaisir entre les partenaires, dans le cadre conjugal, bien sûr, et procréateur. La notion de plaisir, la notion de coït, se retrouve sous la plume d'un médecin du XVe siècle. Le plaisir que, dans l'acte du coït, prennent l'homme comme la femme, aide grandement, ou plutôt considérablement, la conception. C'est pourquoi je décrirai dans ce présent chapitre quelques délices du coït et certaines choses propres à réveiller la Vénus endormie. Sandy Boisard dans Le cours de l'histoire qui lisait cet extrait d'un ouvrage d'Antonio Guianeri, qui est un médecin du XVe siècle. Sylvie Stenberg, dans cet extrait, nous avons une association entre le coït et le plaisir pour réveiller la Vénus endormie. Est-ce quelque chose de fréquent dans le discours d'associer le coït au plaisir, ou là sommes-nous complètement en marge ? Non, absolument pas en marge, puisque en fait, dans cette conception médicale, hein, on parle bien des médecins, même s'ils ont une influence, y compris sur les hommes d'église, dans cette conception médicale, ce qui fait le plaisir, c'est l'émission de semences. Et comme les médecins pensent, encore une fois, en se référant à des autorités anciennes, antiques, et en particulier à Galien, que hommes et femmes émettent une semence dans le coït, et que cette émission est évidemment ce qui est à l'origine de la procréation du fœtus, il est nécessaire d'arriver à cette émission et donc d'arriver à ce plaisir, plaisir coïtal, bien évidemment. Didier Lette, pour le Moyen-Âge, y a-t-il une notion de plaisir ? Oui, je pense qu'elle existe. Et alors, ça me fait penser, ce que dit Sylvie me fait penser au film, peut-être, j'invite les auditeurs à le voir, Le Dernier Duel, un film donc sur le viol. On est en 1386, en fait, c'est deux vassaux, en fait, hein, du roi de France, Charles VI. Et notamment, ce film est très intéressant parce qu'il montre trois points de vue. Hein, on voit trois fois de suite un peu le même récit, fait dans un premier temps par le mari, dans un deuxième temps par le violeur, et puis dans un troisième temps par la victime. Et ce qui est intéressant, à un moment donné, il y a un procès, justement. Hein, bon, dans ce procès, on voit bien que la femme est enceinte suite à son viol, et on lui dit finalement, bah, si t'es enceinte, bah, c'est parce que t'as joui, et donc t'étais consentante. Hein, donc ça veut dire, et je trouve que, voilà, on aurait très bien pu trouver ça. Enfin, c'est sans doute dans les pièces du procès. Et donc, le fait qu'elle ait été violée et qu'ensuite, il y ait une grossesse, finalement, c'est presque un aveu de consentement pour la femme. Donc, c'est terrible, hein, par rapport à nos conceptions et notre réflexion sur le consentement qui est quand même au cœur aujourd'hui de nos préoccupations. Donc voilà, c'est ce lien quand même, je crois que voilà, il a fallu attendre très longtemps quand même pour casser ce lien entre sexualité et procréation qui a été quand même très, très, très longtemps prégnant dans nos sociétés. Difficulté de définir les mots, difficulté d'accepter des mots qui n'ont pas le sens que nous avons aujourd'hui dans le dernier duel de Ridley Scott. Effectivement, il y a ce mot viol, Didier Lett, dans cette notion de consentement. Est-ce bien pertinent pour le Moyen-Âge, la notion de consentement? Bah, c'est une notion sur laquelle on doit réfléchir, à mon avis, hein, parce que, évidemment, que les mots apparaissent, hein, c'est-à-dire que c'est intéressant parce qu'on travaille sur des viols d'enfants, on voit bien que lorsque une enfant en particulier, une petite fille est violée avant 12 ans, a priori, bon, on pense qu'elle n'est pas consentante parce qu'elle n'a pas l'âge de la majorité sexuelle. Lorsqu'elle a dépassé 12 ans, 13, 14, 15, 16 ans, là on voit bien qu'il faut prouver vraiment le non-consentement. Il faut le prouver en ayant entendu le cri, par exemple. Le cri est très très important. Au Moyen-Âge, non seulement évidemment le cri de la victime, c'est une angoisse en essayant d'attirer le voisinage, etc. pour éviter le pire, mais c'est aussi une force probatoire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait entendu le cri. Et si on a entendu le cri, ça veut dire que la victime n'était pas consentante. Et la plupart du temps, les violeurs dans les sources judiciaires mettent la main ou mettent un baillon sur la bouche de la victime pour éviter qu'elle crie, pour pas qu'on entende le cri, ou prennent les femmes ou les filles ou les garçons parfois et les emmènent dans des lieux isolés, hein, pour les violer. Donc effectivement le cri est quelque chose de très très très très important à ce moment-là, et on a dans les sources judiciaires beaucoup de détails, hein, sur les viols, et ça, bon, c'est aussi un des intérêts de cette source. Source judiciaire essentielle, source médicale aussi, nous l'avons dit, parce que au moment de réfléchir aux plaisirs et aux contraintes liées au corps, à la sexualité ou aux sexualités, eh bien, il y a la connaissance du fonctionnement du corps. Je voudrais là aussi rappeler donc que le Moyen-Âge reprend point par point les découvertes ou les acquis scientifiques grecs, et en particulier l'identité des organes masculins et féminins. Et c'est ainsi que Guy de Chauliac, chirurgien français du XIVe siècle, compare l'utérus au pénis. Il dit « L'utérus est semblable à un pénis intérieur tourné à l'envers. Il a dans sa partie supérieure deux bras munis de testicules. Comme le scrotum, un corps commun au milieu, un col avec un canal intérieur comme la verge, et la vulve est semblable au gland et au prépuce. » Ambroise Paré, le très célèbre chirurgien français du XVIe siècle, explique pour sa part « La femme a toujours moins de chaleur que l'homme. Ses parties spermatiques sont donc plus froides et plus molles et moins sèches que celles de l'homme. Si les organes sexuels de la femme sont à l'intérieur, contrairement à ceux de l'homme, cela tient à leur faiblesse. Ils n'ont pas eu la force d'être projetés à l'extérieur. » C'est en 1982 que s'exprimait Marie-Josée Imbeau-Huard, professeure d'histoire de la médecine. À propos, alors, c'est intéressant parce qu'il y a du Moyen-Âge et puis il y a du XVIe siècle. Alors, Didier Lett, déjà sur la connaissance du fonctionnement du corps et du plaisir, est-ce un intérêt prégnant de vouloir du plaisir, de rechercher le plaisir, au moins pour la procréation, sachant que c'est le but pour l'Église de l'activité sexuelle? Oui, je trouve le témoignage est intéressant ici parce que on voit bien, en fait, pour le Moyen-Âge, pendant, on va dire jusqu'au XVIIe siècle, on fonctionne, hein, bon, c'est la thèse de Thomas Laqueur qui est reprise ici, hein, dans l'archive qu'on a entendu, c'est-à-dire l'idée que finalement, hommes et femmes ont finalement les mêmes organes, les uns à l'extérieur, les autres à l'intérieur, et donc il y a toute un système analogique, hein, qui fait vagin, pénis, testicules, ovaires, etc. D'où d'ailleurs l'absence de discours ou le très peu de discours sur le clitoris, puisque finalement le clitoris ne correspond pas à grand chose ou à rien du côté masculin. Donc on voit bien qu'on est dans un système complètement loin de l'observation. Il a fallu attendre évidemment assez longtemps, hein, la multiplication des sections anatomiques, etc., pour comprendre un peu mieux le corps humain. Mais c'est vrai que jusqu'à la fin du Moyen-Âge au moins, on a du mal à comprendre évidemment le fonctionnement des corps humains. Donc il n'y a pas une opposition aussi radicale qu'on le trouvera au XVIIIe ou au XIXe siècle entre les sexes, hein. Et ça c'est important en termes, pour répondre à votre question, c'est important en termes de plaisir et de sexualité, parce qu'effectivement on pense qu'il y a un lien très étroit entre les hommes et les femmes produisent de la semence, hein, c'est ce que disait Sylvie Schoenberg, et c'est cette semence qui crée le plaisir et qui est liée à la procréation. Sylvie Stenberg. Autour de cette idée du plaisir, nous entendons bien que la Renaissance, et vous l'avez dit, est encore héritière en fait de cette longue tradition. À quel moment se situe la rupture? Nous parlons du 17e, du 18e siècle. C'est quoi? C'est par les connaissances médicales qu'il y a un changement de regard sur la sexualité et notamment le plaisir féminin? Non, je ne dirais pas ça. En fait, je ne pense pas que le discours médical soit si prégnant que ça dans les conceptions qu'on a du plaisir. Comme l'a dit Didier à propos du viol, par exemple, sont des conceptions qu'on retrouve à d'autres hors de ce discours et hors du cercle quand même très très limité des très savants docteurs de l'université qui se penchent sur ces questions, qui se livrent à la dissection et qui retrouvent dans un premier temps les analogies de Galien, alors même qu'ils sont en train de pratiquer des observations totalement révolutionnaires. En dehors de ce cercle-là, il y a un certain nombre d'études justement sur les archives de la pratique, la manière dont s'expriment les gens ordinaires, on va dire, devant les tribunaux, quand il est question d'insultes, quand il est question de séduction, quand il est question de viol, etc., où on voit quand même que le vocabulaire est différent. Oui, c'est-à-dire personne n'utilise quand même le mot testicule féminin, par exemple, on parle de nature, par exemple. Il faut dire aussi que très souvent le vocabulaire est extrêmement euphémistique, hein. On peut pas tirer une ligne droite entre la doctrine médicale et les conceptions ordinaires, disons, du plaisir et la manière dont, encore une fois, donc c'est très difficile de répondre à votre question sur la rupture, en fait. Mais le fait de dire que c'est difficile est déjà une très belle réponse, Sylvie Stenberg. Nous sommes aujourd'hui à la recherche du plaisir. Ma maîtresse, principal, mais comment on pourrait dire ? Oui, comment on pourrait dire, ça m'intéresse. France Culture. Non, c'est surtout le fait que vous soyez deux qui est un peu... parce que sinon une par une... Le cours de l'histoire. Il n'y a rien de... C'est sympa, mais bon, voilà. Xavier Mauduit. On peut pas le dire à des jumelles, ça, si ? Non, on peut pas. Petit clin d'œil à Kaamelott. Didier Lette, vous nous avez expliqué qu'au XIIe siècle, le mariage devient un sacrement. À quel moment l'Église impose-t-elle l'union hétérosexuel, matrimonial, que le sexe ne peut exister qu'entre un homme et une femme mariés? Je dirais que là pour le coup, l'Église ne fait que reprendre finalement tout un soubassement évidemment des civilisations antiques, hein, qui pour lequel finalement la norme, ça reste le mariage hétérosexuel, et puis que tout, même si les pratiques homosexuelles ou autres sont plus tolérées, sans doute qu'avec le christianisme, hein, à partir des pères de l'Église, il y a quand même un raidissement assez fort. À l'encontre de ces pratiques, mais globalement, elle reprend ce fond-là. Et puis ensuite, ce que je disais tout à l'heure, on parlait d'Adam et Ève, mais je pense qu'une des grandes différences peut-être entre les sociétés, enfin les autres sociétés et la société chrétienne sur lesquelles on travaille, c'est que la domination masculine, elle est vraiment théologisée, c'est-à-dire que cette misogynie qui peut paraître atemporelle, hein, on la retrouve évidemment encore, hélas, aujourd'hui, elle est vraiment théologisée, c'est-à-dire que elle vient du texte biblique auquel les gens croient. Et quand je dis auquel les gens croient, les gens, c'est les hommes et les femmes, hein. C'est-à-dire que les femmes aussi sont persuadées de leur infériorité, même si on a heureusement certaines voix discordantes. On pense à Christine de Pizan, par exemple, mais on a certaines voix discordantes qui disent leur souffrance, évidemment, de cette domination. Elle n'empêche qu'elles l'acceptent plus ou moins parce que elles savent que voilà, c'est Dieu qui a créé le monde et que Ève, de toute façon, est inférieure. Donc cette société, elle est foncièrement hétéronormée, on peut dire que le problème de l'homosexualité, pour faire entre guillemets, on va dire, ne pose pas énormément de problèmes jusqu'au 11e, 12e siècle. C'est-à-dire, il commence à en poser justement à partir de la réforme grégorienne, à partir du moment où l'Église, dans son discours en tout cas, sépare nettement les clercs et les laïcs, hein, avec une catégorie sociale, on va dire, supérieure, hein, qui sont les clercs, qui ne sont en dehors de tout lien charnel, qui ne doivent pas se marier, d'où le célibat des prêtres, évidemment, encore d'actualité, très d'actualité même, et de l'autre côté, les laïcs qui doivent, au contraire, eux, adopter, enfin, être mariés. Voilà. Et donc la société est pensée, en tout cas à partir de la réforme grégorienne, dans ces termes-là. Et la sexualité, forcément, elle est du côté des laïcs. Et elle doit être hétéronormée. Voilà. Et donc, il y a progressivement, à partir du 12e, un rejet de plus en plus fort des autres formes, on va dire, de sexualité. Ce que vous venez de dire sur l'homosexualité, qui ne posait pas en soi de problème avant la réforme grégorienne, nous pourrions le dire aussi sur le concubinage. Le concubinage, en soi, ne posait pas de problème. Oui, non, le concubinage, alors l'illégitimité, Sylvie Steinberg en parlera bien mieux que moi, mais l'illégitimité, la notion d'illégitimité, elle se développe aussi, même si on parle aussi déjà un peu de ces termes-là à l'époque carolingienne, mais globalement, on peut dire que l'illégitimité, la bâtardise, prend un sens véritablement à partir de la réforme grégorienne, parce que justement, on commence à condamner le concubinage. Ceci dit, je pense qu'il faut attendre le concile de Trente, surtout, hein, qui est quand même un concile, donc là, on est plutôt dans les années 1560, hein, au XVIe siècle, c'est le concile de Trente qui va renforcer encore son discours à l'encontre du concubinage. Le concubinage, en tout cas, il existe à la fin du Moyen-Âge, ça c'est sûr. Non seulement le concubinage des laïcs, mais le concubinage des clercs. Il n'est pas rare de trouver certaines études montrent que dans certaines régions, les clercs ont une concubine, ne sont pas complètement célibataires, et ce qui pose pas énormément de problèmes à la population. La population, à partir du moment où le prêtre de paroisse est capable de donner les sacrements, s'il a une concubine, il a une concubine, c'est pas dramatique. On voit bien que qu'une société relativement tolérante à l'égard du célibat des prêtres. Société tolérante à l'égard du célibat des prêtres, et sur cette idée du couple légitime qui permet un acte sexuel légitime, Sylvie Steinberg, eh bien, en étudiant le XVIe siècle et après, vous êtes complètement héritière de cette réforme grégorienne qui a imposé le mariage comme sacrement. Oui, alors moi, je suis pas tellement héritière, mais les gens que j'étudie, oui. Je pense que ce que vient de dire Didier Lette s'applique de plus en plus, depuis le 12e, 13e siècle. Et avec deux notions qui, peut-être qu'on peut identifier comme étant, malgré tout, différentes. Il y a la notion d'illicite. Donc la sexualité illicite, c'est ce qui se réfère à ce qui n'est pas permis parce que à l'encontre la réalisation de la procréation. Donc en gros, c'est mis sous le terme sodomie. Sodomie voulant dire à la fois pénétration anale, mais aussi masturbation, mais aussi acte inachevé. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est l'illicite. Et l'illicite peut être poursuivi devant un certain nombre de tribunaux d'église. Et puis, il y a ce qui est illégitime. Et illégitime, c'est différent. C'est une sexualité qui peut se faire suivant les normes, hétérosexuelles et suivant les positions permises par l'Église, et préconisées par les médecins, souvent d'ailleurs. L'illégitimité, c'est ce qui se fait hors mariage. Et effectivement, ce sur quoi l'Église met l'accent à partir du milieu du XVIe siècle pour toutes sortes de raisons, c'est le respect de la légitimité. Et donc la lutte contre toute forme de sexualité illégitime, et particulièrement la sexualité avant le mariage, la sexualité des jeunes. L'importance du XVIe siècle, comme un autre moment fort après la réforme grégorienne, nous avons évoqué le concile de Trente, eh bien, rendons-nous au concile. Il n'est encore jamais rien sorti de bon, et jamais il ne sortira rien de bon de la papauté et de ses lois. Entends-tu, pape ? Toi, qui n'es pas le très saint père, mais le très grand pécheur, que Dieu, au plus haut du ciel, détruise au plus vite ton siège et l'abîme dans les profondeurs de l'enfer. Cette voix qui s'élève pour la première fois en 1517 est celle de Martin Luther. L'Église a cru faire taire ce moine allemand en l'excommuniant, en vain. Quand le concile se réunit, en 1545, l'unité religieuse de l'Occident est déjà brisée. À l'origine de la colère de Luther, il y a la vente des indulgences. Le pape prétend, en effet, pouvoir pardonner les fautes en échange d'argent. Luther s'érige contre cette prétention. Le célibat des prêtres est supprimé. Luther lui-même se marie. La messe est remplacée par des chants des sermons et la lecture des Saintes Écritures. Luther traduit la Bible en allemand pour la mettre à la disposition du plus grand nombre. Le Concile de Trente présenté à la télévision française en 1996. Sylvie Stenberg, que se passe-t-il au XVIe siècle? Nous entendons évidemment l'évocation de Luther, donc il y a le protestantisme. En quoi cela a une incidence sur la sexualité et les sexualités? Alors, je dirais quand même que, contrairement à ce qui a été dit dans cette archive, il faudrait, disons, ne pas donner comme origine de la réforme protestante la simple dénonciation de ce qu'on appelle les abus de l'Église, au rang desquels est le célibat des prêtres ou les manquements qui existent dans les couvents, les monastères, hein. Mais revenir, et ça c'est une historiographie quand même assez ancienne qui nous l'a appris, revenir aux aspirations des fidèles eux-mêmes. Et dans ces aspirations des fidèles, il y a évidemment l'aspiration à voir l'Église se réformer en profondeur sur le plan des mœurs, mais ça n'est peut-être pas l'essentiel, mais aussi d'opérer à une réforme personnelle. Et cette réforme personnelle, et donc là on revient aux pratiques, mais on revient aussi aux fidèles, je dirais, face aux institutions, à l'institution ecclésiastique. Le contrôle de l'Église est un contrôle qui ne vient pas d'en haut, vient aussi de cette aspiration vraiment fondamentale d'un certain nombre de fidèles. Bon, ça c'est quelque chose qui sont très très connues, hein, d'un certain nombre de fidèles, de se réformer d'abord, et donc de réformer aussi profondément leur rapport au corps, leur rapport au péché, leur rapport à la pureté intérieure. Et là-dedans entre évidemment la question de la sexualité, du péché sexuel, tout en n'étant pas forcément l'essentiel, hein. L'essentiel, c'est quand même, je pense que si on fait une comparaison entre les écrits religieux sur l'amour, la sexualité, et les écrits religieux sur la mort, il y a aucune comparaison possible. C'est-à-dire vraiment la grande question, c'est le salut, c'est la mort. Mais dans cette question, il y a évidemment la réforme intérieure et la manière dont on peut vivre sa sexualité de manière à ne pas trop pécher. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve du côté de ceux qui vont se réformer et, du fait de l'excommunication de Luther, vont devenir ce qu'on appelle des protestants. Mais c'est vrai aussi du côté des catholiques, avec peut-être aussi une composante, hein, de réaction par rapport à ce que proposent les protestants. Voilà. Donc, ce que proposent les protestants, c'est effectivement d'en finir avec le célibat des prêtres pour arrêter avec ces abus, cette hypocrisie qui consiste effectivement à voir des prêtres qui vivent en concubinage. Mais là aussi, bon, ça n'est pas forcément l'essentiel par rapport à toute la critique qui est adressée sur les autres manquements, hein, spirituels en particulier des prêtres. Donc le célibat des prêtres, la fermeture évidemment des couvents, des monastères, et puis le fait que le mariage ne soit plus un sacrement. Mais ça ne s'accompagne pas évidemment d'une libéralisation des mœurs, bien au contraire, hein, mais d'une intériorisation, d'une certaine façon, encore plus grande si c'était possible, de la faute, du péché, et un appel, bon, qu'on retrouve évidemment dans tous les mouvements protestants, quels qu'ils soient, pas seulement chez ceux qu'on va appeler les puritains, enfin bon, et toutes les sectes ou les mouvements qui se développent au XVIe, XVIIe siècle, mais qu'on retrouve chez tous les protestants, c'est-à-dire cette attitude générale vis-à-vis d'une pureté, d'une honnêteté, d'une retenue vis-à-vis des péchés, enfin vis-à-vis de la conduite qu'on doit tenir. Oui, et vous l'avez bien dit, Sylvie Steinberg, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus ce célibat des prêtres que d'un seul coup tout devient possible, et orgies et toutes les pratiques. Non, tout cela reste extrêmement codifié. Alors, il y a eu des expérimentations, malgré c'est vrai, tout. Racontez-nous. Il y a eu des expérimentations. Par exemple, à Münster, une ville qui finalement a été condamnée hein, par le reste du mouvement protestant et même qui a connu un siège et une reddition tenue par des anabaptistes qui se livrent, dit-on, mais là aussi la question c'est les sources, à la polygamie. Mais c'est la polygamie comme retour aussi à la conduite des patriarches de la Bible. Il y a toute une, disons, une période hein, entre le début du XVIe siècle et les années 1540 où on peut trouver, disons, des réflexions un peu alternatives, mais toujours évidemment dans le but de créer une société qui ressemble à l'Église ancienne et qui soit aussi en attente de la fin du monde ou de la parousie. Le salut, dit Violette. Oui, non, je trouve ça, ce qui est intéressant aussi, puisque c'est un terme qu'on n'a pas encore abordé, mais comment la sexualité aussi est utilisée pour discréditer un ennemi. Hein, c'est un peu ça ce que disait Sylvie Steinberg. On retrouve ça, par exemple, alors, pour le Moyen-Âge, c'est bien connu, pour les Templiers. Les Templiers ont été accusés, évidemment, de tous les maux possibles, hein, et en particulier de sodomie. À partir du moment où on veut se débarrasser hein, d'un groupe social ou d'un individu, la meilleure façon de le faire disparaître, c'est de l'accuser des tares les plus graves de son époque, et en particulier, effectivement, de déviance sexuelle. Et donc, la notion de déviance sexuelle, c'est vrai aussi pour les Juifs, c'est vrai pour les musulmans, hein, dans le monde chrétien. Et donc, voilà, on a quand même aussi l'utilisation des sexualités, des formes, on va dire, déviantes de sexualité, illicites ou illégitimes, comme disait Sylvie Steinberg, pour condamner un ennemi. Et ça aussi, c'est, à mon avis, dans les discours, quelque chose de très, très important qu'il faut souligner. Oui, parce que l'insulte, mais la condamnation et la construction d'un imaginaire pour détruire une image, l'insulte c'est essentiel. Et puis toujours dans cette histoire des sexualités, il y a le texte, l'idéal, et puis il y a la réalité, il y a les pratiques. La justice nous aide beaucoup pour trouver en fait ce qui est en marge, mais la marge est au cœur de notre questionnement. C'est le cas avec la prostitution par exemple, et là encore une fois, référence biblique, Marie-Madeleine. Regardez Marie-Madeleine. Elle tient la main du Christ avec la plaie de la main. Oui. Mais regardez ses regards. Elle ne regarde pas le corps non. du Christ. Elle rentre en elle-même. Elle regarde à l'intérieur d'elle-même les paroles qu'il lui a dites, les paroles de l'amour qui lui ont donné la révélation d'un amour spirituel à elle, qui n'était qu'amour charnel au lieu de la plaie de son corps, sa vulve qui recherchait rencontre d'hommes les uns après les autres. Elle cherchait l'amour, elle l'a trouvé dans la parole de cet homme qui aujourd'hui est mort. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est Françoise Dolto, la psychanalyste, qui s'exprimait dans l'émission Le Jour du Seigneur en 1978 à propos d'un tableau du Gréco avec Marie-Madeleine. Et Didier Lette, nous sentons bien qu'il y a dans tous ces discours des portes ouvertes, alors notamment grâce à Marie-Madeleine, vers la prostitution. Oui. Alors là, Marie-Madeleine, évidemment, c'est le symbole d'une sorte de troisième voie, on va dire, au Moyen-Âge, entre les deux figures féminines complètement opposées, Ève, dont on a parlé tout à l'heure, et Marie, dont on n'a pas encore parlé, hein, qui sont évidemment deux pôles féminins absolument radicalement opposés. Hein. Et à partir du XIIe, XIIIe siècle, la figure de Marie-Madeleine devient une figure très très importante dans la dévotion, hein, dans la manière dont les femmes, ou peut-être les hommes aussi, mais les femmes s'identifient finalement, hein, une sorte de personne évidemment qui a mené une vie de prostitution, une vie charnelle, et qui, grâce au Christ évidemment, a décidé d'en changer. Et donc la figure de Madeleine va être un peu une sorte de proposition d'un modèle pour les femmes, un modèle de rachat d'une certaine manière. Oui. Ouais, c'est une proposition qui toujours nous interroge sur la manière dont les gens intègrent les messages. Ce qui est très difficile, Sylvie Steinberg, à étudier. Si nous prenons le cas de la masturbation condamnée, ce n'est pas bien. Mais malgré tout, alors là, faut y aller finement et au scalpel pour identifier des traces dans les documents, des signes, des indices qui nous montrent que la pratique existe quand même. Mais c'est très dur de savoir si les gens ont intégré un discours qui les empêche une pratique. Oui, alors disons que le grand discours anti-masturbation, il arrive à la fin du XVIIIe siècle. Hein. Avant, évidemment, ça rentre dans cette catégorie de la sexualité illicite, hein, mais ça n'est pas une priorité. Ni de l'Église, ni des médecins, ni visiblement des familles, hein, que de lutter contre la masturbation. C'est vraiment à la fin du XVIIIe, en particulier avec le fameux docteur Tissot, que se met en place cette obsession qui ensuite perdure, hein, pendant tout le XIXe siècle et une partie du XXe, de la masturbation. Et alors en plus sur les pratiques, disons... il faut aussi attendre, nous, historiens, qu'on ait des correspondances un peu explicites, qui soient un peu plus intimes qu'elles ne le sont auparavant, parce que des correspondances, on en a, même pour le XVIe, XVIIe, mais en général, elles sont très peu intimes, et ni sur le plan des sentiments, ni sur le plan de la sexualité. Au XVIIIe, on a en effet un certain nombre de correspondances, enfin, qui ont été par exemple exhumées par Anne Verju, qui parlent explicitement, parce que les couples sont séparés, de masturbation. Oui, dans Une histoire des sexualités, l'ouvrage que vous dirigez, Sylvie Stenberg, il y a ces exemples de lettres où, par allusion, eh bien, on sent que les couples séparés pratiquent la masturbation. Sylvie Stenberg, vous êtes directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Au moment d'entamer Une histoire des sexualités sur un temps très long, nous sentons que nous sommes dans un vrai renouveau historiographique. Il y a des centres d'intérêt et qu'il est nécessaire de temps en temps de faire une synthèse pour savoir où nous en sommes dans la recherche. Oui, il est nécessaire de faire une synthèse. C'est vrai que cette histoire des sexualités ou de la sexualité, elle a commencé dans les années 1970. Il y a un certain nombre de jalons qu'on peut rappeler, hein, avec en particulier l'œuvre de Jean-Louis Flandrin, celle d'Alain Corbin, et d'autres, et qui ont vraiment ouvert la voie et fait feu de tout bois. Hein, c'est-à-dire qu'en effet, on réunit des types de sources, inventer des sources, comme on dit, auxquelles on ne pensait pas, et en particulier les sources religieuses, qui n'étaient évidemment pas utilisées dans ce sens-là. Mais c'est vrai que depuis, il y a eu quand même beaucoup de travaux, de travaux à la fois en histoire de la médecine, on parlait de tout ce qui concerne la représentation des organes génitaux, la question du plaisir, par exemple. Beaucoup de travaux aussi sur des périodes qui étaient plus ignorées, en particulier le Moyen-Âge. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a écrit, en effet, ce livre de synthèse. Didier Lette, vous êtes professeur d'histoire médiévale. Et justement, dans ce viol d'enfants au Moyen-Âge, là aussi, nous sommes dans un renouveau historiographique, mais non pas tant dans la recherche, mais dans un écho à notre société. Oui, alors moi j'ai commencé ce travail il y a maintenant presque 10 ans, enfin il y a 8 ans, donc je savais pas que l'actualité me rattraperait aussi rapidement finalement, hein, mais oui, on est dans, peut-être que l'historien doit répondre aussi à un certain nombre de problèmes, enfin aux urgences du présent, on pourrait dire, hein, et c'est vrai que là, la pédocriminalité, l'inceste sont devenus effectivement aujourd'hui des sujets très très importants dans l'actualité, et j'espère effectivement être utile en rappelant comment ça s'est passé à la fin du Moyen-Âge. Vous l'êtes, Didier Lette, viol d'enfant au Moyen-Âge, genre et pédocriminalité à Bologne, et merci aussi à vous, Sylvie Stenberg, histoire des sexualités, c'est l'ouvrage que vous dirigez. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel pour le pourquoi du comment. De quand datent les maisons closes ? L'accusation de libertinage fut l'un des principaux griefs que les révolutionnaires adressèrent aux aristocrates à partir de 1789. La conséquence immédiate fut de fermer ce qu'on appelait les petites maisons florissantes à Paris au XVIIIe siècle. Mais au-delà des grandes déclarations sur les vertus républicaines, la politique des dirigeants révolutionnaires à l'égard de la prostitution fut marquée par des ambiguïtés qui reflètent les contradictions du projet républicain concernant la place des femmes dans la cité. À cette époque, elles étaient plusieurs milliers, âgées pour la plupart de 15 à 25 ans, issues de milieux populaires,